Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. Et parmi eux, un de leurs rois, Ragnar Lodbrok, dit Ragnar au bray velu, sont actuellement très à la mode. Il faut dire qu'ils furent perçus comme une véritable calamité au cours du IXe siècle. Ils sont désormais, à nos yeux, des aventuriers héroïsés chargés d'exotisme. Bien avant le traité de Saint-Clair-sur-Epte, conclu entre Charles le Simple et Roland en 911, à la base de la fondation de la Normandie, les rois francs mirent en place tout un système pour se débarrasser de ce fléau scandinave. L'un d'entre eux est désormais fouillé, dans l'heure, par mes deux invités, Vincent Carpentier, Cyril Marcigny, bonsoir. Bonsoir. Archéologue à l'INRAP, Cyril Marcigny, Vincent Carpentier, vous venez surtout de publier aux presses universitaires de Caen un très bel, un savant ouvrage intitulé « Pont de l'Arche et le fort d'Alizay-Gauville, les fortifications de la Seine-Normande, de l'âge viking à la guerre de Cent Ans ». Vincent Carpentier, replantons le cadre. Qui sont les vikings et que sait-on de leur contrée d'origine ? Alors, les vikings, ce sont des personnages, non pas un peuple, bien sûr, mais des personnages qui viennent des brumes du Nord, de Scandinavie. Et puis, pour ce qui concerne le site de Pont de l'Arche, la Normandie au IXe siècle, également des îles britanniques. Parce que, évidemment, ils sont pas uniquement tournés vers la Normandie. Il y a eu ce qu'on appelle une diaspora, aujourd'hui scandinave, assez large, en forme d'éventail, à partir des pays scandinaves, la Suède, le Danemark, la Norvège actuelle, qui n'était pas formée en tant que nation, territoire aujourd'hui qu'on connaît à l'époque contemporaine. Et donc, ces peuples se sont, pour diverses raisons assez complexes, se sont mis à migrer. Il existe dans ce phénomène migratoire plusieurs phases. La première étant celle de raids exploratoires, suivie de pillages, d'incursions parfois assez loin dans les terres. Puis une deuxième phase qui est celle donc davantage militarisée, de quête d'implantation territoriale. Et enfin, une troisième phase avec la fondation de certains États, comme ce qui deviendra plus tard le duché Normandie. Il y en a eu un certain nombre d'autres, mais cette histoire de la première Normandie, telle qu'on l'a baptisée évidemment par la suite, est assez originale. On se sent qu'il s'agit d'une réussite. Ce sont donc à l'origine des Scandinaves, mais qui ont fait souche dans un certain nombre de contrées d'Europe du Nord-Ouest et qui par la suite se sont assimilés aux populations en place. Et quand débute l'expansion viking, à quel moment la France est-elle touchée par le phénomène ? Alors la France, à partir du tout début du IXe siècle, on a par exemple mention de... Alors encore une fois, il s'agit de ce qu'on appelle les Dark Ages en anglais, c'est-à-dire d'une période du Haut Moyen-Âge qui est très mal documentée par l'écrit. Les âges sombres. Tout à fait, les âges sombres. Donc on n'a pas à disposition de récits extrêmement fiables, extrêmement rigoureux. Il existe néanmoins ce qu'on appelle des annales monastiques qui étaient tenues, donc année par année, comme leur nom l'indique, par des moines copistes qui enregistraient les principaux événements et parmi eux, bien sûr, les incursions de ces vikings extrêmement redoutés parce qu'ils s'en prenaient d'abord aux églises dans lesquelles on trouvait notamment des métaux précieux qui les intéressaient en tout premier lieu. Les premières incursions, certainement à partir des années 820 sur les côtes de la France actuelle, du nord-ouest de la France actuelle, 840 en gros dans l'estuaire de la Seine, avec une pression croissante au cours de ces années qui a amené les souverains francs à organiser, dans la mesure bien sûr de leurs moyens, des systèmes de défense. Cyril Marcigny, ils prennent bien sûr Rouen, qui va devenir une sorte de plaque tournante pour eux. Oui, complètement, ça sera la base arrière si on veut, pour aller mener les raids après sur Paris. Et donc Alizé participe de ce nouveau dispositif qui est mis en place pour freiner cette avancée sur Paris. Ce qui est intéressant dans le phénomène viking, c'est que l'on voit dans un premier temps l'arrivée de guerriers dans des dracas, puis une sorte de fixation d'un monde paysan qui fait souche, tout ça se passant visiblement en deux temps. Oui, même en, je disais tout à l'heure, en deux voire trois temps. C'est-à-dire que pendant toute une assez longue première période qui couvre plusieurs décennies, il s'agit exclusivement de raids, c'est-à-dire d'une attitude de prédation, clairement, par rapport à ces puissances continentales qui sont d'ailleurs politiquement assez mal organisées et assez peu armées pour se défendre. Donc, ce qui favorise cette première période des raids, de pillage, c'est effectivement la fragilité de ces défenses, la facilité parfois sans doute déconcertante avec laquelle ces équipés vikings sont venus s'emparer de richesses. Alors il s'agit de essentiellement, on disait, de métaux précieux volés aux églises, etc. Et puis dans un deuxième temps, une période à partir de, en gros, du milieu du 9e siècle qui correspond à une véritable tentative d'implantation et des contingents vikings de plus en plus importants. Ce qui est leur véritable motivation, c'est l'argent métal. Dans un premier temps, bien sûr. D'ailleurs, le système de valeur économique du monde scandinave à cette époque est fondée non pas sur des économies monétaires, puisque les Scandinaves, les entités qui dirigent ces différents peuples ignorent en gros la monnaie, mais utilisent le métal pour son poids. Et donc on s'empare de métaux précieux, et en particulier effectivement la vie de l'argent qui est considéré par ces peuples comme la valeur de premier plan. D'où les beaux trésors que l'on trouve notamment en Angleterre, je crois, hein, Cyril Marcelli. Oui, il y a des découvertes récentes faites avec des gens qui passaient le détecteur, malheureusement, qui ont été mal contextualisés, mais on a plusieurs trésors. Il y en a aussi en Normandie. Il y en a aussi en Normandie. Oui, il y en a un qui a été fouillé il y a quelques années à Saint-Pierre-les-Elbeufs, qui est un dépôt d'argent aussi. Ce que l'on cherche aussi, c'est l'esclavage et le prestige. Oui, cela va avec, parce que dans ce système de valeurs économiques qui est celui du monde nordique à la fin du 8e et au 9e siècle, on n'a pas uniquement affaire, bien sûr, à du métal précieux, on a également affaire à un système de troc à grande échelle qui prend en compte, bien sûr, d'autres marchandises. Alors, il peut s'agir de textiles, de laine, de poissons séchés, de choses comme ça, et puis également du bétail humain, hein, des esclaves qui font partie des marchandises, entre guillemets, qui sont échangés et qui ont une haute valeur non seulement commerciale mais également de prestige social au sein de ces sociétés qui sont raflées à l'étranger. Évoquons l'archéologie viking en France. On le sait, en 1906, une exceptionnelle tombe à navire était découverte sous un tumulus de l'île de Groix, donc dans le Morbihan. À part cela, bien peu de choses ont été réellement découvertes, malgré les nombreuses excursions réalisées par les bateaux scandinaves. C'est une curiosité. Oui, c'est une curiosité. C'est un phénomène qui interroge depuis assez longtemps les historiens. Ces tombes à navires de tradition scandinave et qui sont liées à cette période des raids, à ces chefs vikings qui dépêchaient donc des expéditions. Alors soit les armées, soit ils prenaient par eux-mêmes, peu importe, dans le nord-ouest de l'Europe, se faisaient inhumer selon des traditions païennes, pré-chrétiennes, dans des navires à l'intérieur de tumulus en pierre, etc. Donc on retrouve ces types de sépultures dans un arc assez large, en Écosse, au nord des îles britanniques, etc., où des chefs ont séjourné au cours de cette période. Et puis, dans les contrées continentales, en particulier en Normandie, eh bien, on n'en trouve pas. Ce qui pose quand même la question de savoir pourquoi. Et la réponse qui semble s'imposer aujourd'hui est que, dans la mesure où ces chefs repartaient, eh bien, ils n'ont pas laissé de traces, ou en tout cas très peu, de sorte qu'on n'en a pas trouvé aujourd'hui. Bon, il existe certainement dans certaines régions de la Normandie, je pense en particulier au Nord-Côte et dans d'autres secteurs où l'on sait que des chefs vikings ont longtemps œuvré, y compris après le traité de Saint-Clair-sur-Epte, il existe sûrement encore de telles sépultures, encore faut-il les trouver. Donc du coup, on se retrouve devant un décalage entre l'archéologie et qui offre normalement des nouvelles données et les sources historiques, mais aussi topographiques. Oui, ce décalage, il est assez flagrant en Normandie, effectivement, où l'on trouve très peu de marqueurs archéologiques, de culture matérielle, entre guillemets, au sens large, de témoins d'ethnicité qui permettent d'attribuer de manière certaine tel ou tel objet à la présence de vikings. On sait par exemple que Trouville serait lié à Thor. Oui, alors la toponymie, en dehors des objets, effectivement, est une des sources essentielles de cette histoire au sens large des vikings, puisque quoi qu'on ait effectivement à disposition très peu d'objets, on a en revanche en Normandie affaire à un paysage toponymique assez fortement marqué, alors par secteur, surtout sur la bande côtière, dans les zones estuariennes, dans le nord cotentin, le pays de Caux, etc., par des toponymes nordiques qui sont venus soit s'infiltrer dans la langue, une poignée surtout de mots qui sont liés aux choses de la mer, au nautisme, à la pêche, etc., soit effectivement beaucoup plus nombreux dans la toponymie en lien avec des habitats, des défrichements, des lieux d'occupation, hein, certainement, par des Scandinaves qui sont venus s'implanter à partir de la fin du 9e siècle. On le sait aujourd'hui de façon à peu près claire, je dirais clarifiée à partir de la toponymie et de l'histoire. En revanche, l'archéologie, sur ce point, est assez inopérante, puisque, encore une fois, les objets nous font défaut. En mai 841, les Vikings explorent la Seine et brûlent Rouen. Nous savons par les textes qu'à partir de cette date, et face à la menace, les royaumes occidentaux, dont les Francs, se mettent à indemniser les Vikings. Ces tribus sont dénommées les Dangeld. Une stratégie qui pourrait bien s'avérer une catastrophe ? Vincent Carpentier. Oui, la stratégie du Dangeld, c'est une stratégie sous contrainte, hein, il faut bien le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à des bandes qui s'installent et puis qui n'hésitent pas, au bout d'un certain temps, à commencer d'hiverner sur place, dans des îles qu'ils retranchent. Or, les capacités militaires des comtes et des rois de France, en l'occurrence, confrontés à ce danger, sont très limitées. Sur terrain ouvert, les Francs ont presque toujours battu ces bandes scandinaves. En revanche, retranchées sur des îles ou sur des contextes tels que des fleuves sur lesquels ils pouvaient aisément se déplacer, la chose devenait beaucoup plus compliquée. Alors la solution d'urgence, je dirais, qui a été mise en place, ça consistait à les payer pour qu'ils repartent. Bien sûr, c'est une solution à double tranchant puisque ça les a surtout incités à revenir. En 860, Charles Chauve met en place une nouvelle stratégie pour contrecarrer les Vikings. Votre fouille à Alizay, Pont de l'Arche, est justement un exceptionnel témoin. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est la moitié d'un dispositif qui barrait la Seine, en fait, entre Alizay et Pont de l'Arche. Faut imaginer, en fait, une sorte d'altère, si on veut, en plan, deux enceintes de chaque côté, un côté Pont de l'Arche, un côté Alizay, et puis un pont qui rejoint ces deux extrémités d'altère, et l'ensemble formait un verrou qui empêchait l'avancée des Vikings. Verrou qui n'a pas marché du tout, parce qu'il n'était pas opérant quand les Vikings sont passés. On aurait la même chose à Poncé, par exemple. Vincent Carpentier. Oui, les Vikings sont pas contentés de la Seine. Ils ont remonté la Loire, ils ont infesté la Gironde, ils sont allés jusqu'en Espagne, en Méditerranée, ainsi de suite. Bon, partout où finalement ils avaient une chance d'obtenir ce qu'ils cherchaient. Pour ce qui concerne ces grands fleuves français, effectivement, notamment sur la Loire, vous parliez tout à l'heure de la sépulture de l'île de Groix, on a affaire à ces Vikings de la Loire, comme on a affaire à des Vikings dits de la Seine. On a cherché également par les mêmes moyens, c'est-à-dire la fortification d'un pont situé assez loin à l'intérieur des terres, hein, sur un point de déchargement, a empêché leur remontée vers des villes stratégiques. On parlait de Paris, bon, c'est valable aussi pour d'autres emplacements. Ils sont remontés jusqu'en Champagne-Ardenne, hein, les Vikings, en suivant les fleuves. Et donc, cette fortification de pont, alors, déjà existant sans doute, hein, bon, on n'en a pas de preuves archéologiques, hein, on n'a pas encore tout retrouvé, hein, pour peu qu'il en reste d'ailleurs des vestiges. Cette fortification de pont a nécessité des moyens importants, mais ça c'est sûrement apparu après le Dangeld comme finalement la stratégie la plus adaptée et la plus rapide à mettre en œuvre pour tenter d'endiguer justement ces incursions que rien d'autre ne pouvait ralentir. Cyril Marcigny, Alizay Pont de l'Arche est un endroit stratégique sur la Seine. Oui, c'est la fin du Mascaret, c'est un secteur important de décharge en fait pour la Seine, d'où la présence de ce pont et de ces deux fortifications de chaque côté de la Seine. C'est-à-dire que l'eau de la marée s'arrête à cet endroit-là. Elle remonte jusque-là, oui. Et on a le croisement de l'Eure. Oui, aussi, oui, c'est une zone de confluence. Le système est donc un pont avec deux enceintes protégeant les têtes du pont. Quelle idée peut-on se faire de l'enceinte que vous avez fouillée ? Alors pour la partie qui a été fouillée, donc la partie Aigoville, la partie Pont de l'Arche est protégée sous un rempart. Donc la partie Aigoville, c'est trois grandes enceintes en fait de plan plus ou moins carré avec des angles arrondis, délimitées par des très très grands fossés, 5 à 6 mètres d'ouverture, autant de profondeur, hein, qui forment un dispositif d'escarpe et de contre-escarpe sur entre 20 et 25 mètres de large. Donc c'est quelque chose d'assez massif. Comme c'est un site qui est très très bien conservé, alisé, on a la présence de ces talus, de ces remparts. Donc, voilà, on a vraiment une bonne illustration de ce que pouvait être cette fortification du côté d'Aigoville, en tout cas, quoi. Et on aurait donc dans les talus des sortes de poutrages de bois. Oui, en fait, donc il y a un système à idées. Donc les fossés qui forment des douves, hein, qui étaient en eau, on en a la preuve grâce à la palynologie. Hein. Et au-dessus de ces douves, on a des grands remparts, un peu construits à la manière gauloise, en fait, façon Murus Gallicus, avec des poutres de bois croisés qui constituent l'armature du rempart. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Vincent Charpentier, doit-on aussi imaginer des pieux de bois dans la Seine, comme c'est le cas bien sûr à Londres, voire même des sortes de herses, puisque cela est décrit parfois? Alors pour ce qui est des pieux de bois, c'est certain, puisqu'on a affaire à un pont de bois. Le tablier, tout le système de soutien, les piles, etc., tout était construit en bois. Ce qu'on ignore, c'est si ce pont a préexisté à la période de fortification des années 860-870, vraisemblablement, il existait déjà au moins un passage. Donc on peut quand même supposer qu'un pont de bois était déjà jeté, de tradition romaine lui aussi. Hein. Cyril parlait tout à l'heure d'un Murus Gallicus. Bon, pour le pont, on a aussi affaire à des traditions architecturales qui sont, somme toute, très proches de ce qu'elles étaient à l'époque romaine. On n'en a pas retrouvé les traces encore, faute de pouvoir organiser des campagnes de plongée dans ce secteur de la Seine. Bon, faut savoir que dans la Seine, on ne voit rien, hein, clairement. Donc c'est la mise en place d'une opération assez complexe. On a étudié le problème, c'est toujours plus ou moins un projet pendant, qui nous plairait bien tous les deux, hein. On aimerait bien voir des gens s'en occuper, mais bon, ça pose quand même un certain nombre de difficultés, y compris de financement, bien évidemment. Donc on n'a pas retrouvé ces éléments-là. En revanche, la partie fouillée de l'une des têtes de pont, qui correspond donc à cette publication des fouilles d'Alizé Higoville, nous permet quand même de déduire un certain nombre d'éléments, et en particulier l'emplacement de ce pont, puisque on dispose clairement sur la rive opposée à travers une fortification alors qui a vécu par la suite, mais qui s'est trouvée pérennisée tout au long du Moyen-Âge par des architectures en pierre. On dispose très clairement de l'emplacement précis de la tête de pont située sur l'autre rive. Donc on sait où se trouvait ce pont. Moi, j'ai été frappé par la puissance de l'enceinte. Sa superficie est absolument gigantesque. On a donc trois fossés, des talus, des éléments architecturés en bois, plus de la pierre. La pierre est intervenue dans un second temps. Dans le premier temps, donc au 9e, c'est uniquement de la terre et du bois. On a sondé l'intérieur de l'enceinte. Hein. On a eu la possibilité d'aller à l'intérieur aussi de cette enceinte, même si la fouille principale concernait les délimitations de l'enceinte. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a strictement aucune trace. Voilà, on a rien du tout. Pas un seul aménagement, aucune structure de combustion. C'est un espace vide, voilà, qui n'a pas été aménagé. C'est curieux. Oui, ça peut correspondre à ce fameux dispositif qui n'aurait pas fonctionné, en fait, voilà, qui a été édifié. Les Vikings sont malheureusement ou heureusement passés et ils sont revenus, ils ont hiverné, ils n'ont pas impacté les sols, donc pas de traces pour l'archéologue avant de repartir. Oui, c'est aussi tributaire des quelques sondages qu'on a pu pratiquer. Il y a l'hypothèse d'une grande place qui serait vide et également peut-être aussi de logements ou de constructions qui seraient situés à l'extérieur des zones qu'on a pu investiguer. On n'a pas fouillé 100% du site. En revanche, si c'est un site qui a servi à abriter une garnison pendant un temps donné, même s'il a couvert plusieurs années, il est certain qu'on n'a pas affaire ici à une petite agglomération ou un village, hein, clairement. Donc ça laisse beaucoup moins de vestiges dans le sol, et c'est ce à quoi vraisemblablement on a été confronté, avec les questions non résolues aussi que ça nous pose. Les sources carolingiennes sont assez exceptionnelles sur cette forteresse de Pont-de-l'Arche. On sait ainsi que l'abattage des arbres pour édifier les enceintes est entrepris en 862. C'est-à-dire, on le sait, on le devine, on le suppose, voilà, puisque on dispose effectivement de sources écrites exceptionnellement précises, hein, à travers les diplômes émis par le roi de France, d'ailleurs pour grande partie à Pitre même, hein, dans son domaine de Pitre. Donc il se rendait sur place, il avait sur place des agents également, l'archevêque de Rouen, et puis des agents de la cour carolingienne pour commander, suivre, diriger et rendre compte de ce qui se passait sur place. Alors, ce qu'on supposait, les historien anglais ou français, c'est cette chronologie sur à peu près une décennie, c'est qu'il a d'abord fallu bien sûr mettre en place ce chantier dans des conditions assez difficiles, puisque la menace viking était évidemment très présente, et que à partir de 862 officiellement, ça correspond à une date bien établie à partir des textes, le chantier commence, et vraisemblablement par l'abattage des bois d'œuvre dans les forêts environnantes qui étaient suffisamment fournies pour justement fournir ces matériaux. Cyril Marcini, qui sont les occupants de cette forteresse ? Bah, on n'a pas vraiment la trace des occupants, en tout cas militaires. Par contre, on a la trace des gens qui ont travaillé sur cette forteresse, puisqu'on a, pour une fois, eu la chance de fouiller, non pas exhaustivement, comme disait Vincent, l'intérieur de l'enceinte, mais par contre, on a étudié sur près de 20 hectares l'extérieur de l'enceinte. Et on a comme ça une auréole d'occupation carolingienne qui vient border le site, qui correspond en fait aux gens qui ont, pour certains, creusé ces fossés, pour d'autres, vécu sur place. Hein. On le sait grâce à toute une batterie de datation radiocarbone qui ont été ensuite analysées via les statistiques bayésiennes, qui permet d'avoir restituer un historique assez fin. Une fourchette assez étroite, 862-929. Tout à fait. Et du coup, on sait que c'est que ces gens-là, qui étaient des gens, pour la plupart, qui venaient du secteur, hein, ont été soumis à de gros travaux, des ports de lourdes charges, etc., puisqu'on a plusieurs petites nécropoles qui ont été fouillées. Donc, une sorte de population de basses conditions affectées au travail. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Hein. Vous avez aussi trouvé une sorte d'estimation, vous estimez à peu près 150 convives lors d'un repas? Oui, alors on n'a pas trouvé effectivement que des structures d'habitat entre guillemets dans le bon vieux jargon archéologique, c'est-à-dire des fours, des trous de poteaux, des fosses, des choses comme ça. On a également trouvé bien sûr des objets et des restes organiques, en particulier des restes de faune. Et ces restes de faune, ces poubelles, hein, nous renseignent aussi sur cette population que vous évoquiez tout à l'heure. Et effectivement, l'un des dépotoirs les plus intéressants nous a permis de reconstituer un repas avec à peu près 150 convives, ce qui est quand même considérable, ce qui pourrait correspondre, en dehors de ça, on trouvait quelques squelettes, hein, quelques dizaines de gens inhumés, mais il faut penser aux vivants, ce qui nous permet donc d'estimer à peu près cette population de gens affectés sur place au chantier, et puis peut-être à la vie de la garnison, qui se sont nourris, qui ont laissé leurs déchets alimentaires enfouis et que nous avons retrouvés. Vincent Carpentier, en 873, Adon de Vienne évoque l'ensemble comme un ouvrage d'une puissance remarquable. Puisque vous avez découvert flèches d'arc et d'arbalète, peut-on penser que la forteresse de Pont de l'Arche ait subi l'assaut des Vikings? Alors c'est certain qu'elle l'a subi. Après, les carreaux d'arbalète et flèches, etc. correspondent à une occupation plus tardive qui s'inscrit vraisemblablement plutôt dans le XIIe siècle. Donc on a affaire à une fortification qui a vécu longtemps. Et ces trois grands fossés concentriques, il faut imaginer des fossés extrêmement profonds, hein, nous ont surtout renseigné de par leur comblement, un comblement qui s'est formé à la fin de leur occupation et qui a capté du matériel postérieur à l'époque carolingienne. En tout et pour tout, pour cette période viking du 9e siècle, on a retrouvé une monnaie. Donc ça confirme bien une certaine présence, mais c'est quand même très peu. Donc on en est réduit aux conjectures. Ce qui est très intéressant, c'est la mise en relation de ces vestiges archéologiques, de ce qu'on a trouvé à l'extérieur de l'enceinte, et puis de ces sources écrites exceptionnellement prolixes pour la période, qui nous permettent de savoir effectivement que la fortification a servi. Alors du point de vue qualitatif, il est difficile d'estimer son efficacité, puisque... Vous l'avez dit dès l'introduction, en préambule, les sièges de Paris ont bel et bien eu lieu. Donc les Vikings sont passés. Après, ça leur a sûrement posé un certain nombre de problèmes de contourner cet obstacle, soit qu'ils l'aient contourné, soit qu'ils aient surmonté effectivement les forces affectées à la garnison. En tout cas, ce dispositif, celui des ponts de C, ont quand même dû connaître une certaine efficacité, puisque les raids Vikings ont décru assez rapidement par la suite. Oui, en 876, les Vikings mettent 4 mois pour atteindre Paris. Voilà, donc ça s'est pas fait non plus tout seul et il s'agit pas non plus à cette époque-là. Je parlais au début de cette émission d'un phasage hein, dans l'histoire des raids vikings. Il s'agit pas à cette époque-là de raids de quelques dizaines de vikings qui s'aventurent sur la Seine, mais d'armées constituées très nombreuses avec plusieurs centaines de navires. Donc il faut imaginer des milliers d'assaillants. Comment arriverons-nous à mettre fin aux raids vikings? Par le christianisme ou tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à piller? J'ai bien envie de vous dire par les deux, et plus une troisième explication qui est peut-être finalement la clé principale, c'est que ces Vikings, on a fini par leur donner ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire leur concéder une terre dont leur chef, le chef des Vikings de la Seine, alors faut imaginer un ensemble sans doute assez proche d'une confédération avec un chef qui s'impose par la force, Rolf, rebaptisé Rollon en français, autour de 911, vraisemblablement à partir de la toute fin du 9e siècle, s'installe là avec ses hommes, avec le titre de Jarl. Et le roi de France lui concède un territoire à charge d'y faire lui-même la police, ce qu'il a fait avec une certaine efficacité, puisque par la suite, dans ce secteur, on n'entend plus tellement parler de Vikings. Dans les années 1020, Pont de l'Arche aurait un nom composé tout à la fois d'un terme latin et scandinave, archas as dens, preuve donc de l'implantation de vikings dans cette zone frontalière. Oui, ça nous renvoie à cette toponymie que nous évoquions tout à l'heure et aussi aux travaux de Jacques Lemao depuis des années sur le problème lié à l'absence de sources archéologiques aussi, hein, le problème quasi insoluble de cette implantation des Vikings. Quand, comment, en quel nombre, etc. La toponymie nous parle et effectivement, on observe dans cette basse vallée de la Seine, donc à partir du confluent avec l'Eure, le secteur de Pitre et d'Alizé, etc., Pont de l'Arche, jusqu'à l'embouchure, on observe la présence d'un certain nombre de toponymes doubles, comme ça, associant un nom de lieu d'origine franque, voire plus ancienne, avec un nom de lieu plus récent à consonance nordique et qui nous montrerait que des groupes scandinaves se sont bien établis dans ce secteur, ont coexisté avec des groupes francs dans une relative bonne intelligence et que donc la toponymie en porterait le témoignage. Après 911, ce pont et ses enceintes ne déclinent pas et conservent leur rôle, bien sûr, leur rôle stratégique. Oui, ça, l'enceinte continue d'être utilisée. Elle est même utilisée jusqu'au XVIIe siècle, puisqu'après, elle devient un clos masure d'une grosse ferme un peu cossue. Mais entre les deux, il y a l'édification d'un château qui va continuer de contrôler ce fameux pont de Pont de l'Arche. Donc, c'est une structure défensive qui va perdurer dans le temps. Et la fouille des fossés, justement, raconte cette histoire, puisque même si on n'a pas de matériel 9e dans les fossés, on a du matériel jusqu'au 15e, 16e siècle dans les fossés. Justement, le mobilier de l'enceinte, essentiellement métallique, a été mis au jour dans le comblement des fossés et s'échelonne du 9e au 15e siècle avec monnaie, armement, boucles d'hiver, méraux aussi. Une très belle collection donc de jetons médiévaux. Oui, des jetons. Alors, ce sont des objets assez rares, par ailleurs. Donc, cette série d'Alizé est véritablement exceptionnelle. Ça a beaucoup excité nos amis numismates et à juste titre. Ce sont des monnaies de compte, c'est-à-dire non pas des monnaies qui étaient diffusées à grande échelle à l'intérieur de vastes régions ou territoires, mais des monnaies créées sur place pour établir un système de rémunération sur un chantier de la main-d'œuvre. Or, on a retrouvé beaucoup de ces méraux qui constituent encore une fois une série exceptionnelle et qui nous permettent de documenter justement le chantier de construction de Pont de l'Arche en lien avec le programme de fortification mis en place par Philippe Auguste et qui s'est développé tout au long du XIIIe siècle. Vincent Carpentier, les phases d'occupation militaire de la forteresse succèdent au XIIe, XIIIe siècle, puis XIVe, XVe siècle. Pont de l'Arche est encore de nos jours fortifié avec quelques éléments remarquables comme la tour de Crône datée de Philippe Auguste et restaurée avant 1854 par Marie-Auguste Subtil de Lantry. Effectivement, ceci dit, on n'est plus là dans le monde viking, hein, clairement, mais ce site, cette fortification a connu une histoire longue et a continué d'être aménagé tout au long du Moyen-Âge en particulier. Alors après la récupération manu militari de la Normandie par Philippe Auguste, roi de France en 1204, eh bien un grand programme architectural est mis en place qui se développe surtout sur la rive opposée à la fortification carolingienne, à partir du fort de Limay, j'en parlais tout à l'heure, et puis de la tête de pont donc de la rive opposée qui se situe aujourd'hui en plein cœur de Pont de l'Arche et dont on connaît aujourd'hui le tracé de l'enceinte fortifiée mise en place en gros à partir de la toute fin du XIIe siècle et au cours du XIIIe siècle sous l'autorité du roi de France. Vincent Carpentier, Cyril Marcini, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous venez de publier aux presses universitaires de Caen un très gros et bel ouvrage intitulé « Pont de l'Arche et le fort d'Alizay-Igoville, les fortifications de la Seine normande, de l'âge viking à la guerre de 100 ans ». Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Pierre Henry et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr.